Chapitre 102, La voix douloureuse. Là, rien n'avait été préparé pour la réception de la famille royale, qui fut forcée de descendre dans une auberge. Soit par ordre de Pétion, que le silence du roi et de la reine avait fort blessé pendant la route, soit que l'auberge fut réellement pleine, on ne trouva pour les augustes prisonniers que 3 mansardes dans lesquelles ils s'installèrent. En descendant de voiture, Charny, selon son habitude, avait voulu s'approcher du roi et de la reine pour prendre leurs ordres, mais la reine, d'un seul coup d'œil, lui avait fait signe de se tenir à l'écart. Sans savoir la cause de cette recommandation, le comte s'était empressé d'y obéir. C'était Pétion qui était entré dans l'auberge et qui s'était chargé des fonctions de maréchal des logis. Il ne se donna pas même la peine de redescendre, et ce fut un garçon qui m'a annoncé que les chambres de la famille royale étaient prêtes. Barnabe était assez embarrassé. Il mourait d'envie d'offrir son bras à la reine. Mais il craignait que celle qui jadis avait si fort raillé l'étiquette dans la personne de Madame de Noailles ne l'invoquât lorsque lui, Barnabe, y manquerait. Il attendit donc. Le roi descendit le premier, s'appuyant au bras des 2 gardes, messieurs de Malden et de Valerie. Charny, on le sait déjà, sous un signe de Marie-Antoinette, s'était retiré un peu à l'écart. La reine descendit ensuite et tendit le bras pour qu'on lui donnât le dauphin. Mais comme si le pauvre enfant eût senti le besoin que sa mère avait de cette flatterie, « Non, dit-il, je veux rester avec mon ami Barnabe. » Marie-Antoinette fit un signe d'assentiment accompagné d'un doux sourire. Barnabe laissa passer Madame Élisabeth et Madame Royale, puis il descendit, portant le dauphin dans ses bras. Madame de Tourzel venait ensuite, n'aspirant qu'à reprendre son royal élève aux mains indignes qui le tenaient. Mais un nouveau signe de la reine calma l'aristocratique ardeur de la gouvernante des enfants de France. La reine monta l'escalier sale et tortueux, s'appuyant au bras de son mari. Au premier étage, elle s'arrêta, croyant avoir assez fait en montant 20 marches, mais la voix du garçon cria « Plus haut, plus haut !» Et sur cette invitation, la reine continua de monter. La sueur de la honte perla sur le front de Barnabe. « Comment, plus haut » demanda-t-il. « Oui, dit le garçon, ici c'est la salle à manger, et les appartements de messieurs de l'Assemblée nationale. » Un éblouissement passa sur les yeux de Barnabe. Pétion avait pris les appartements du premier étage pour lui et ses collègues, et avait relégué la famille royale au second. Cependant, le jeune député ne dit rien, mais craignant sans doute le premier mouvement de la reine, lorsqu'elle verrait les chambres du second étage destinées par Pétion à elle et à sa famille. En arrivant à ce second étage, Barnabe déposa l'enfant royal sur le palier. « Madame, madame !» dit le jeune prince s'adressant à sa mère. « Voilà mon ami Barnabe qui s'en va. Il fait bien !» dit en riant la reine, qui venait de jeter un coup d'œil sur l'appartement. Cet appartement, comme nous l'avons dit, se composait de 3 petites pièces se commandant les unes les autres. La reine s'installa dans la première avec Madame Royale. Madame Élisabeth prit la seconde pour elle, le dauphin et Madame de Tourzel. Enfin, le roi prit la troisième, qui était un petit cabinet ayant en retour une porte de sortie sur l'escalier. Le roi était fatigué. Il voulut, en attendant le souper, se jeter quelques instants sur son lit, mais ce lit était si court qu'au bout d'une minute, il fut obligé de se lever et, ouvrant la porte, demanda une chaise. Messieurs de Malden et de Valerie étaient déjà à leur poste sur les marches de l'escalier. Monsieur de Malden, qui se trouvait le plus à portée, descendit, prit une chaise dans la salle à manger et la porta au roi. Louis XVI, qui avait déjà une chaise de bois dans son cabinet, accommoda cette seconde chaise que lui apportait Monsieur de Malden pour en faire un lit à sa taille. « Oh, sire !» dit Monsieur de Malden, en joignant les mains et en secouant douloureusement la tête. « Comptez-vous donc passer la nuit ainsi ?»« Certainement, monsieur, » dit le roi. Puis il ajouta, « D'ailleurs, si ce que l'on me crie aux oreilles de la misère de mon peuple est vrai, combien de mes sujets seraient heureux d'avoir ce petit cabinet, ce lit et ces 2 chaises ?» Et il s'étendit sur cette couche improvisée, préludant ainsi aux longues douleurs du temple. Un instant après, on annonça à leur majesté qu'elles étaient servies. Le roi descendit et vit 6 couverts sur la table. « Pourquoi ces 6 couverts » demanda-t-il. « Mais, » dit le garçon, « un pour le roi, un pour la reine, un pour Madame Élisabeth, un pour Madame Royale, un pour Monseigneur le Dauphin et un pour Monsieur Pétion. Et pourquoi pas aussi un pour Monsieur Barnabe et un pour Monsieur Latour Maubourg ?» demanda le roi. « Ils y étaient, si, » répondit le garçon. « Mais Monsieur Barnabe les a fait ôter. Et il a laissé celui de Monsieur Pétion M. Pessiot a exigé qu'elle restât. » En ce moment, la figure grave, plus que grave, austère, du député de Chartres parut à l'encadrement de la porte. Le roi fit comme s'il n'était pas là et répondit au garçon. « Je ne me mets à table qu'avec ma famille. Nous mangeons entre nous, ou avec les gens que nous invitons. Autrement, nous ne mangeons pas. » « Je savais bien, dit Pétion, que votre majesté avait oublié le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, mais je croyais qu'elle aurait au moins l'air de s'en souvenir. » Le roi fit semblant de ne pas entendre Pétion, comme il avait fait semblant de ne pas le voir, et d'un signe des yeux et du sourcil, il ordonna au garçon d'enlever le couvert. Le garçon obéit, Pétion sortit, furieux. « Monsieur de Malden, dit le roi, tirez la porte afin qu'autant que possible nous soyons chez nous. » M. de Malden obéit à son tour, et Pétion put entendre la porte se refermer derrière lui. Le roi arriva ainsi à dîner en famille. Les deux gardes du corps servirent comme d'habitude. Quant à Charny, il ne parut point. S'il n'était plus le serviteur, il était toujours l'esclave de la reine. Mais il y avait des moments où cette obéissance passive à la reine blessait la femme. Aussi, pendant tout le souper, Marie-Antoinette, impatiente, chercha des yeux Charny. Elle voulut qu'après lui avoir obéi un instant, il finit par lui désobéir. Au moment où le roi, le souper terminé, remua sa chaise pour se lever de table, le salon s'ouvrit et le garçon entrant pria, au nom de M. Barnave, leur majesté de vouloir bien prendre l'appartement du premier à la place du leur. Louis XVI et Marie-Antoinette se regardèrent. Fallait-il faire de la dignité et repousser la courtoisie de l'un pour punir la grossièreté de l'autre? Peut-être eût-ce été l'avis du roi, mais le dauphin courut au salon en criant. « Où est-il, mon ami Barnabe ?» La reine suivit le dauphin et le roi la reine. Barnabe n'était point au salon. Du salon, la reine passa dans les chambres. Il y en avait trois, comme à l'étage supérieur. On avait pu faire de l'élégance, mais on avait fait de la propreté. Des bougies brûlaient dans des chandeliers de cuivre, c'est vrai, mais brûlaient à profusion. Deux ou trois fois, pendant la route, la reine s'était récriée en passant devant de beaux jardins garnis de fleurs. La chambre de la reine était garnie des plus belles fleurs d'été, en même temps que les fenêtres ouvertes permettaient aux parfums trop âcres de s'échapper. Des rideaux de mousseline fermant l'ouverture de ses fenêtres s'opposaient à ce qu'un regard indiscret poursuivit chez elle l'auguste prisonnière. C'était Barnave qui avait veillé à tout cela. Elle soupira. La pauvre reine, 6 ans auparavant, c'est Charny qui eut pris tous ses soins. Au reste, Barnabe eut la délicatesse de ne pas venir chercher un remerciement. C'est encore ce qu'eût fait Charny. Comment, petit avocat de province, avait-il les mêmes attentions et les mêmes délicatesses qu'aurait l'homme le plus élégant et le plus distingué de la cour? Il y avait certes bien là-dedans de quoi faire rêver une femme. Cette femme fut-elle reine? Aussi la reine rêva-t-elle à cet étrange mystère une partie de la nuit? Pendant ce temps, que devenait le comte de Charny? Charny, nous l'avons vu, sur le signe que lui fit la reine, s'était retiré et depuis ce moment n'avait pas reparu. Charny, que son devoir enchaînait aux pas de Louis XVI et de Marie-Antoinette, était heureux que l'ordre de la reine, dont il ne chercha pas même la cause, lui eût donné un moment de solitude et de réflexion. Il avait vécu si rapidement depuis 3 jours. Il avait vécu tellement hors de lui-même, pour ainsi dire, il avait tant vécu pour les autres, qu'il n'était pas fâché de laisser pendant quelques instants la douleur d'autrui pour revenir à sa propre douleur. Charny était le gentilhomme des anciens jours, l'homme de la famille surtout. Il adorait ses frères, dont il était plutôt le père que le frère aîné. À la mort de Georges, sa douleur avait été grande, mais au moins il avait pu, agenouillé près du cadavre, dans cette petite et sombre cour de Versailles, répandre sa douleur avec ses larmes. Mais du moins, il restait son second frère Isidore, sur lequel toute son affection s'était reportée. Isidore, qu'il lui était devenu plus cher encore, s'il était possible, pendant les 3 ou 4 mois qui avaient précédé son départ et où le jeune homme lui avait servi d'intermédiaire près d'André. Nous avons tâché, sinon de faire comprendre, du moins de raconter ce singulier mystère de certains cœurs que la séparation anime au lieu de les refroidir et qui puise dans l'absence un nouvel aliment aux souvenirs qui les occupent. Eh bien, moins Charny voyait André, plus il pensait à elle, et pensait de plus en plus à André, pour Charny, c'était l'aimer. En effet, quand il voyait André, quand il était près d'André, il lui semblait purement et simplement être près d'une statue de glace, que le moindre rayon d'amour ferait fondre, et qui, retirée à l'ombre et en elle-même, craignait autant l'amour que, de glace véritablement, une statue craindrait le soleil. Il était en contact avec ce geste lent et froid, avec cette parole grave et contenue, avec ce regard muet et voilé. Derrière ce geste, derrière cette parole, derrière ce regard, il ne voyait, disons mieux, il n'entrevoyait rien. Tout cela était blanc, pâle, laiteux comme l'albâtre, froid et terne comme lui. C'était ainsi, sauf de rares intervalles d'animation amenés par des situations violentes, que lui était apparu André pendant leurs dernières entrevues et surtout pendant celle qu'il avait eue avec la malheureuse jeune femme rue Coqueron le soir où il avait à la fois retrouvé et perdu son fils. Mais dès qu'il s'éloignait d'elle, la distance produisait son effet ordinaire, en éteignant les teintes trop vives, en estompant les contours trop arrêtés. Alors le geste lent et froid d'André s'animait. Alors la parole grave et contenue d'André devenait timbrée et sonore. Alors le regard muet et voilé d'André soulevait sa longue paupière et lançait une flamme humide et dévorante. Alors il lui semblait qu'un feu intérieur s'allumait au cœur de la statue et qu'à travers l'albâtre de ses chairs, il voyait circuler le sang et battre le cœur. Ah, c'était dans ces moments d'absence et de solitude qu'André était la véritable rivale de la reine. C'était dans l'obscurité fiévreuse de ces nuits que Charny croyait tout à coup voir s'ouvrir la muraille de sa chambre ou se soulever la tapisserie de sa porte et s'approcher de son lit, les bras ouverts, les lèvres murmurantes, l'œil plein d'amour, cette statue transparente que le feu de son âme éclairait au dehors. Alors Charny lui aussi tendait les bras. Alors Charny appelait la douce vision. Alors Charny essayait de presser le fantôme sur son cœur. Mais hélas, le fantôme lui échappait. Il n'embrassait que le vide et retombait de son rêve haletant dans la triste et froide réalité. Isidore lui était donc devenu plus cher que ne l'avait jamais été Georges. Et nous l'avons vu, le comte n'avait pas eu la sombre joie de pleurer sur le cadavre d'Isidore comme il avait eu celle de pleurer sur le cadavre de Georges. Tous deux, l'un après l'autre, étaient tombés pour cette femme fatale, pour cette cause pleine d'abîmes. Pour la même femme, et dans un abîme pareil, lui, Charny, tomberait certainement à son tour. Eh bien, depuis 2 jours, depuis la mort de son frère, depuis cette dernière étreinte qui avait laissé ses habits teints de son sang, ses lèvres tièdes du dernier soupir de la victime, depuis cette heure à laquelle M. de Choiseul lui avait remis les papiers trouvés sur Isidore, à peine avait-il eu un instant à donner à cette grande douleur. Ce signe de la reine qui lui avait indiqué qu'il eût à se tenir à l'écart, il l'avait donc reçu comme une faveur et accepté comme une joie. Dès lors, il avait cherché un coin, un endroit, une retraite, où, tout en demeurant à portée de venir au secours de la famille royale, au premier appel, au premier cri, il put néanmoins être bien seul avec sa douleur, bien isolé avec ses larmes. Il avait trouvé une mansarde située au haut du même escalier où veillaient messieurs de Malden et de Valory. Une fois là, seul, enfermé, assis devant une table éclairée par une de ces lampes de cuivre à 3 becs, comme nous en retrouvons encore aujourd'hui dans quelques vieilles maisons de village, il avait tiré de sa poche les papiers ensanglantés, seule relique qu'il restasse de son frère. Puis, le front dans ses 2 mains, les yeux fixés sur ses lettres où continuaient de vivre les pensées de celui qui n'était plus, il avait pendant longtemps laissé couler, de ses joues sur la table, des larmes pressées et silencieuses. Enfin, il poussa un soupir, releva et secoua la tête, prit et déplia une lettre. Elle était de la pauvre Catherine. Charny soupçonnait depuis plusieurs mois cette liaison d'Isidore avec la fille du fermier, lorsqu'à Varennes, Billot s'était chargé de la lui raconter dans tous ses détails, mais seulement après le récit du fermier, il lui avait accordé toute l'importance qu'elle méritait de prendre dans son esprit. Cette importance s'accrut encore à la lecture de la lettre. Alors il vit ce titre de maîtresse rendu sacré par le titre de mère, et dans les termes si simples où Catherine exposait son amour, toute la vie de la femme donnée en expiation de la faute de la jeune fille. Il en ouvrit une seconde, puis une troisième. C'était toujours les mêmes plans d'avenir, les mêmes espérances de bonheur, les mêmes joies maternelles, les mêmes craintes d'amante, les mêmes regrets, les mêmes douleurs, les mêmes repentirs. Tout à coup, au milieu de ses lettres, il en vit une dont l'écriture le frappa. L'écriture était d'André. Elle lui était adressée à lui. À la lettre, un papier plié en 4 était attaché par un cachet de cire aux larmes d'Isidore. Cette lettre de l'écriture d'André, adressée à lui, Charny, et retrouvée parmi les papiers d'Isidore, lui parut une chose si étrange qu'il commença par ouvrir le billet annexé à la lettre avant d'ouvrir la lettre elle-même. Le billet écrit au crayon par Isidore, sans doute sur quelques tables d'auberge, et tandis qu'on lui scellait un cheval, contenait ces quelques lignes. Cette lettre est adressée non point à moi, mais à mon frère le comte Olivier de Charny. Elle est écrite par sa femme, la comtesse de Charny. S'il m'arrive malheur, celui qui trouverait ce papier est prié de le faire passer au comte Olivier de Charny ou de le renvoyer à la comtesse. Je le tiens de celle-ci avec la recommandation suivante. Si, dans l'entreprise qu'il poursuit, le comte réussissait sans accident rendre la lettre à la comtesse, s'il était blessé grièvement, mais sans danger de mort, le prier d'accorder à sa femme la grâce de le rejoindre. Enfin, s'il était blessé à mort, lui donner cette lettre, et s'il ne peut la lire lui-même, la lui lire, afin qu'à moins d'expirer, il connaisse le secret qu'elle contient. Si la lettre est envoyée à mon frère le comte de Charny, comme sans doute ce billet lui sera remis en même temps, il agira, à l'égard des trois recommandations ci-dessus, ainsi que sa délicatesse lui conseillera de le faire. Je lègue à ses soins la pauvre Catherine Billot, qui habite le village de Ville-d'Avray avec mon enfant. Isidore de Charny. D'abord, le comte parut entièrement absorbé par la lecture de ce billet de son frère. Ses larmes, un instant arrêtées, recommencèrent à couler avec la même abondance. Puis enfin, ses yeux encore voilés de pleurs se portèrent sur la lettre de Madame de Charny. Il la regarda longtemps, la prit, la porta à ses lèvres, l'appuya sur son cœur, comme si elle eût pu communiquer à ce cœur le secret qu'elle contenait, relut une fois encore, puis deux fois, puis trois fois, la recommandation de son frère. Puis, à demi-voix et secouant la tête, « Je n'ai pas le droit d'ouvrir cette lettre, dit-il, mais je la supplierai tant elle-même qu'elle me laissera lire. » Et comme pour s'encourager dans cette résolution, impossible à un cœur moins loyal que le sien, il répéta encore « Non, je ne la lirai pas. » En effet, il ne la lut point. Mais le jour le surprit, assis à la même table, et dévorant du regard l'adresse de cette lettre, toute humide de son haleine, tant il l'avait pressée deux fois contre ses lèvres. Tout à coup, au milieu du bruit qui se faisait dans l'hôtel annonçant que le départ se préparait, on entendit la voix de M. de Malden qui appelait le comte de Charny. « Me voici, » répondit le comte, et serrant dans la poche de son habit les papiers du pauvre Isidore, il baisa une dernière fois la lettre intacte, la mit sur son cœur et descendit rapidement. Il rencontra sur l'escalier Barnabe qui demandait des nouvelles de la reine et qui chargeait M. de Valory de prendre ses ordres pour l'heure du départ. Il était facile de voir que Barnabe ne s'était pas plus couché et n'avait pas plus dormi que le comte Olivier de Charny. Les deux hommes se saluèrent et Charny eut certainement remarqué l'éclair de jalousie qui passa dans les yeux de Barnabe en l'entendant s'informer lui-même de la santé de la reine s'il eût pu se préoccuper d'autre chose que de cette lettre qu'il pressait du bras contre son cœur.